Que se posent de nombreux Maliens et également de nombreux Africains après la tentative d'assassinat du colonel Assimi Goïta, le président de la transition malienne. On s'interroge, comment est-ce que des hommes armés ont pu pénétrer la grande mosquée de Bamako qui pourtant devait être ultra sécurisée du fait de la présence non seulement du président de la transition malienne, mais également de nombreux ministres, de nombreux officiels qui participaient à la grande prière à cette mosquée. Et comment peut-on comprendre donc effectivement cela? Est-ce qu'on ne peut pas ici voir des complicités qui auraient facilité l'entrée de ces hommes dans la mosquée? C'est une autre interrogation. Que voulaient-ils précisément? Autre interrogation, comment est-ce que la mosquée n'aurait pas pu être bouclée bien avant et tout le monde fouillé comme cela se voit lors d'événements de cette nature? Nous sommes très en colère d'ailleurs depuis que les faits se sont produits. Comment comprendre que, avec autant de légèreté, un homme ait essayé de tuer le colonel Assimi Goïta? Permettez-moi de vous saluer et de vous dire merci pour avoir pensé à ma modeste personne comme étant capable d'enrichir nos téléspectateurs, d'enrichir ce débat. Permettez-moi de saluer les techniciens sans qui on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, surtout que les semaines qui sont passées ont été difficiles. L'après-midi, sur le plan technique, ça a été pénible. On ne sait pas pourquoi, mais bon, les techniciens ont été d'une maestria extraordinaire. Je voudrais les présenter toute notre reconnaissance en tant que panéliste. Maintenant, évidemment, on ne peut qu'être en colère, mon cher Guy Fondop. Quand un événement est, chaud comme ça, les enquêteurs posent la question traditionnelle. À qui profite le crime, mon cher Guy Fondop? Ça commence par ça. À qui profite le crime? Deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'on va convoquer la mémoire des enquêtes liées à des cas similaires ou à des cas apparentés. C'est sur ces deux tableaux, levier, que jouent les enquêteurs pour dénouer, n'est-ce pas, pour dénouer les écheveaux, n'est-ce pas, du crime. Dans le cas d'espèce, comme c'est à chaud, à qui ça profite? À qui aurait profité la mort du colonel Goïta? D'abord, à la France. C'est le plan géopolitique. À la France. Deuxièmement, par ricochet, qu'on inverse ou pas la hiérarchie des rôles, ça revient au même, à toute la classe politique, économico-sociale malienne liée au réseau français, et qui se sentent extrêmement bousculés, n'est-ce pas, par les événements qui se sont imprimé, n'est-ce pas, ce mois-ci, n'est-ce pas, au Mali. Donc voilà, c'est-à-dire que, voilà la trame qui permet, n'est-ce pas, de décoder ce qui s'est passé aujourd'hui à première vue. Donc d'abord, à qui profite le crime, mon cher Fondon? Je l'ai dit de manière claire, le bénéficiaire, là, immédiatement, c'est la France. Sur le plan, c'est la France, c'est évident. Deuxièmement, je ne dis pas que c'est la France qui a assassiné. Je ne dis pas que c'est la France, je dis ceci, à qui profite le crime? D'abord à la France, sur le plan géopolitique. Deuxièmement, à la classe parisianisée, n'est-ce pas, d'acteurs politiques, d'acteurs socio-économiques au Mali, qui depuis plus d'une trentaine d'années ont prospéré, mon cher Guy Fondop, sur ce lit d'hyper-corruption, n'est-ce pas, qui liait la France, n'est-ce pas, à l'establishment malien. Et l'émergence de ce courant militaire patriotique, n'est-ce pas, met en péril sérieusement la survie même de ces catégories sociales et leur parrain français. Deuxième élément maintenant pour aller plus loin, mon cher Guy Fondop. Je voudrais convoquer ici, si vous permettez, ce que j'appelle la dialectique des couteaux. Je peux insister sur la résonance socio-culturelle du couteau dans certaines sociétés, parlons comme ça, entre guillemets, à culture islamique. Ce n'est pas le lieu. Mais, mon cher Guy Fondop, nous avons vu que dans certains pays, ces dernières années, l'arme du couteau est utilisée pour perpétrer des attentats. Mais ce qu'on a observé, Guy Fondop, c'est que dans ces pays-là, en France, on tue des terroristes qui ont pour arme le couteau. Même quand l'action terroriste en question s'est limitée à une blessure qu'on a infligée à quelqu'un. On les tue. Mais pourquoi on les tue? Mais on observe que mais si on tue quelqu'un qu'on peut neutraliser facilement et lui faire passer par un procès, puisqu'on est dans une société civilisée, si on tue, ça veut dire à première vue que non, on n'a pas envie que ces gens-là parlent. Mais qui a intérêt à ce que ces gens ne parlent pas, Guy Fondop? Puisque on peut le maîtriser. Il y a des institutions qui sont en place pour gérer ce genre de choses. Pourquoi on les tue? C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre, mon cher Guy Fondop. Donc, je déduis que il y a une dialectique du couteau qui, quand on projette ça dans le champ géopolitique africain, on peut voir mon cher Guy Fondop, qui peut donc réfléchir, qui peut planifier, peaufiner un attentat au couteau. Troisième élément, je dis bien au couteau. Qui peut planifier, qui peut organiser, n'est-ce pas, d'une manière aussi systématisée, tout à l'heure vous avez rappelé, on est dans un contexte de sécurité maximale, où le président, où le chef de la transition arrive dans une mosquée, accompagné de ministres et d'officiers de haut niveau. Ça veut dire que, n'est-ce pas, mon cher Guy Fondop, il y a un dispositif de sécurité de haut niveau. Donc, pour que quelqu'un puisse venir dans un tel lieu et faire un attentat, il faut que ce monsieur ait des compétences en la matière très élevée. Pourquoi? Il faut anticiper ce dispositif de sécurité, mon cher Guy Fondop. Il faut anticiper. Et ça demande un niveau de compétence qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense cela indépendamment de qualités intrinsèques du porteur du couteau, indépendamment de lui, en tant que les enquêtes vont démontrer à qui on avait affaire. Mais je tente de vous dire, une cérémonie comme celle-là, où le président de la transition va être là, ça se prépare. Et dans le contexte malien, les autorités maliennes ne peuvent pas s'amuser aujourd'hui à être légers dans la sécurité. Parce qu'ils savent très bien qu'ils marchent sur des œufs. Elles le savent. Elles marchent sur des œufs. Donc, ça a été sécurisé. Mais qui peut avoir réfléchi, mon cher Guy Fondop, que dans un pareil contexte, si ce qu'il y a à faire, c'est d'anticiper sur les objectifs de sécurité en créant un niveau d'asymétrie maximale. C'est-à-dire que quand on dit attentat, généralement, on dit que bon, on va voir les grosses armes circuler. Voilà. Mais là, un gars s'habille normalement, il vient à la fête comme tout le monde, il a un couteau et il veut tuer. Et il a la possibilité d'arriver très proche du président de transition au point de le poignarder. Donc il y a là un haut niveau d'infiltration, il y a là un haut niveau de planification qui nécessite, mon cher Guy Fondop, des compétences géopolitiques et stratégiques et militaires qui ne sont pas à la portée du premier venu, mon cher Guy Fondop. Quatrièmement, je vais évoquer un quatrième élément. La symbolique de la mosquée et de ce jour. Mon cher Guy Fondop, la symbolique de la mosquée, ce jour, c'est un jour sacré pour les musulmans, vous le savez. C'est la Tabaski, c'est le jour du sacrifice. Ça renvoie, n'est-ce pas, au sacrifice qu'avait fait Abraham, n'est-ce pas, en lieu et place de son fils. Les exégètes musulmans ne m'en voudront pas, je ne suis pas un musulman, j'essaye de comprendre, mais je crois que je ne suis pas loin de ça. C'est-à-dire qu'en souvenir du patriarche Abraham, patriarche religieux Abraham, qui avait, n'est-ce pas, en lieu et place de son fils, comprenez bien la symbolique, qui tellement il voulait obéir à Dieu, Dieu a vu son cœur, Dieu lui a dit, écoute bien, il y a un bélier là, ne tue pas ton fils. La Tabaski renvoie à ça, mon chéri. C'est la fête du sacrifice chez les musulmans. Alors, mon cher Guy Fondop, il y a une anthropologie de cette journée qui est faite pour que l'attentat, l'assassinat du président soit planifié ce jour dans une mosquée.